Le dîner en espagnol se dit la cena. C'est féminin. La cena. Ça s'écrit avec un C au début. Pensez à la scène, à la sainte scène de Jésus et ses apôtres. C'est le même mot. La cena. Cena, C-E-N-A. Qu'on prononce cena en espagnol standard, hein, le C devant un E, se prononçant fe ou cena en Amérique latine et dans certaines régions de l'Espagne, où ce son n'existe pas. Donc, cena, c'est le dîner. Et le verbe dîner en espagnol se dit cenar. C-E-N-A-R. Cenar. C'est le verbe dîner. Alors, où voulez-vous dîner ce soir? Ça sera Donde voulez-vous quiere dîner cenar ce soir esta noche. Parfait. Donde quiere cenar esta noche? Où voulez-vous dîner ce soir?